Bonjour, nous sommes vendredi le 5 mars 2021. Heureux de vous savoir à l'écoute, mesdames et messieurs fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française dont voici les grandes articulations. Une bonne organisation des secteurs de l'eau potable et de l'assainissement de base est l'objectif de l'étude au Conseil des ministres de ce 3 mars dernier du projet de loi portant réorganisation de ces deux secteurs. Nous revenons sur les détails avec le porte-parole du gouvernement. La peur et le non-accès au capital sont les défis qui empêchent les femmes et les filles à se lancer dans des entreprises de grande envergure. Vous suivrez les avis de deux femmes entrepreneurs. Reprise timide des activités ce vendredi au marché d'Okanyosha. Les commerçants de ce marché disent faire face à l'insuffisance de stands due à l'affluence des commerçants venant du marché d'Ogissio qui a fermé récemment. Voilà pour le sommaire. Armel Moutour est à la présentation de ce journal et Toussaint Mitebouti assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Certains conducteurs de bus et de tricycles dits tuk-tuk en mairie de Bujumbura apprécient la décision du ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions, ordonnant l'arrêt des collectes d'argent par les associations de transport. Ceux qui se sont exprimés sur le micro-baladeur de la radio Isanganiro indiquent que de grosses sommes d'argent étaient perçues par ces associations sans qu'on leur explique ni l'utilité ni la destination. Écoutez-les, ils se sont entretenus avec Yvette Nijimbiri. Nous avons accueilli cette décision avec joie. Nous sommes vraiment reconnaissants. La décision vient à point nommé. J'ai accueilli cette décision étant dans la joie, car elle est venue à temps. Moi aussi, je remercie le ministre pour cette décision qui nous a tranquillisés. Nous, les chauffeurs qui, avant, étions malheureux, nous lui disons vraiment merci et nous sommes très contents. Si vous voyez l'argent que nous donnions dans la mairie de Bujumbura, il y a plus de 3000 bajajs et nous cotisions 1000 francs par jour pour dire qu'un seul tuk-tuk payait 30 000 par mois. En plus de ces 30 000, nous payons 10 000 de stationnement. C'est pourquoi nous sommes vraiment contents, car nous ne savons pas où va cet argent, ni ce qu'elle faisait. Cet argent était considéré comme une corruption cachée. En mairie de Bujumbura, un seul bus payait 6 000 francs par jour et comptez vous-même les bus qui circulent ici au quotidien. En réalité, nous les transporteurs, nous vivions dans la misère. C'était l'argent caché, que tu ne pouvais pas savoir où elle va ou en quoi elle m'aidera. Que le gouvernement prenne ces choses en main pour que cet argent soit bénéfique pour nous tous. Il y avait des personnes qui faisaient la queue dans les quartiers pour avoir des bus. Il y avait des bus qui ne pouvaient pas se rendre dans des quartiers parce que ces associations avaient des gens qui demandaient de l'argent à ces bus. Et les chauffeurs préféraient se rendre dans d'autres quartiers. La mesure prise par l'administration 2018 d'évacuer les épaves qui sont éparpillées sur certaines avenues en zone Buyenzi n'a pas été respectée suite au manque de mesures d'accompagnement. Renova Sindayehu, l'administrateur de la commune Mukaza, fait savoir qu'avec en collaboration avec la mairie de Bujumbura, ils sont en train de chercher une place dans la zone de Bwiza pour construire un centre de métiers qui va rassembler, selon lui, tous ces métiers. Suivez-le au micro de Lydie Gahimbari. Nous avons trouvé que cette mesure n'a pas été mise en application et nous avons interrogé les concernés ainsi que les autorités de l'ancienne administration. Ils nous ont dit que la mesure n'a pas été mise en application parce que on n'a pas pu avoir un espace suffisant pour pouvoir encadrer ces anciens garagistes et autres faiseurs de métiers qui étaient à Buyenzi. On n'a pas pu disponibiliser une place pour les montrer pour qu'ils puissent exercer leur métier dans ces places respectives. Maintenant, nous avons pris la mesure de leur demander d'utiliser une partie des avenues de cette zone Buyenzi, surtout les premières avenues de la première à la dixième, pour que les passants, les véhicules qui circulent au niveau de la zone puissent avoir où passer. Et nous voyons que cette mesure est en train d'être mise en application, malgré qu'il y a toujours des récalcitrants qui n'ont pas encore mis en application cette mesure. L'administration est en train de travailler en collaboration avec ses partenaires, la mairie de Bujumbura et d'autres organisations associations qui œuvrent dans le domaine de développement pour chercher une place où on pourra ériger un centre de métiers où nous comptons rassembler tous les métiers qui sont exercés dans notre commune mais qui n'ont pas de place. Nous sommes en train de faire le tout possible pour que tous les moyens nécessaires, que ce soit les moyens techniques et financiers, puissent être disponibilisés pour la construction de ce village qui auparavant était prévu à être construit dans la zone de Bouyenzi, mais que faute de place disponible, nous sommes en train de voir la faisabilité de délocaliser ce village vers la zone de Bouyenzi où on a pu trouver un espace suffisant pour la construction de ce village. C'était Renova Sindayehura, administrateur de la commune Mukaza. Page politique à présent. Le Conseil des ministres tenu le 3 mars dernier a constaté la nécessité de la mise en place d'une équipe pour la révision de la loi portant réorganisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement d'eau base. Les deux activités seront sous la coordination de la primature, comme l'indique Prosper Nhaogwamie, porte-parole du gouvernement. Il ajoute que ce projet de loi de séparer le secteur de l'eau potable et celui de l'assainissement de base a été proposé pour une organisation efficiente du secteur. On l'écoute. Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base est un secteur clé pour la vie d'un être humain. Sa bonne gestion permet l'amélioration des conditions de vie de la population et par conséquent le développement socio-économique. Il est à cet effet nécessaire de disposer d'un cadre politique et juridique adéquat. Le Burundi dispose d'importants documents de politique et stratégie relatives à la planification globale dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, mais il manque un cadre légal approprié de ce secteur. En effet, l'analyse de la situation montre que l'ensemble des dispositifs juridiques applicables au secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base appelle les observations suivantes. Les textes sont multiples et épars. Les dispositions régissant le secteur de l'assainissement de base sont très faibles. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'élaboration de ce projet de loi. Il a le mérite de constituer un cadre juridique unifié régissant l'eau potable et l'assainissement de base au lieu d'avoir des dispositions éparses se retrouvant dans plusieurs textes. Instituer le régime juridique et administratif du sous-secteur assainissement de base, comblant ainsi le vide juridique qui s'observe à ce sujet. Fixer le cadre de coordination des activités de différents intervenants dans ce secteur. Consacrer, en plus de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural déjà existante, une autre agence similaire en milieu urbain. L'organisation du secteur de l'eau potable ne peut pas être combinée avec celle de l'assainissement de base. Il faut des conventions claires entre la régie des eaux et les personnes ou groupements qui s'organisent pour capter l'eau afin qu'ils soient assurés que leur investissement leur sera profitable, car la tendance de la régie des eaux est de s'approprier de l'infrastructure. Le Conseil a en définitive mis en place une équipe qui va retravailler ce projet de loi sous la coordination de la primature. Concernant les accords de coopération signés entre le Burundi et la Guinée équatoriale, le même Conseil des ministres trouve que des amendements sont nécessaires pour faciliter les investisseurs des deux pays. Suivez encore une fois Prosper Nhaogwamie, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale ont signé l'accord cadre de coopération économique, culturel, scientifique et technique. Cet accord a pour but d'intensifier les liens bilatéraux et d'amitié et de coopération entre les deux pays. Afin de concrétiser cet accord cadre, en marge de la visite d'État effectuée par le président de la République du Burundi en Guinée équatoriale du 1er au 7 novembre 2020, des accords sectoriels ont été signés, en l'occurrence l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, l'accord commercial, l'accord de coopération dans le secteur du transport maritime et portuaire, l'accord d'exemption de visa réciproque pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services. Concernant l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, chaque partie s'engage à promouvoir et faciliter les investisseurs de l'autre partie conformément aux lois et règlements ainsi qu'aux politiques pertinentes de promotion des investissements, en créant des conditions favorables aux investissements réciproques des deux États. Elle s'engage aussi à protéger sur son territoire les investissements réalisés par les investisseurs de l'autre partie. S'agissant de l'accord commercial, les deux parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays y compris les facilités pour l'organisation des expositions et foires commerciales, ainsi que la création des sociétés commerciales suivant les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs. Le Conseil des ministres a adopté ce projet, moyennant quelques aspects de forme à nettoyer. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13 heures passées de 6 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. La peur serait l'une des causes du désintéressement chez certaines femmes d'embrasser le secteur des grandes entreprises. Propos d'Ornella Ouimana, fabricante de chaises, quant à Ginette Kalire Kinyana, une des cadres au sein de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi. Le manque de capital suffisant est l'un des facteurs défavorisant la femme à se lancer dans les grandes entreprises. Toutefois, elle encourage les femmes et les filles à persévérer afin de réaliser leurs rêves malgré tous ces défis. Les détails avec Vestine Outori. Parmi les causes du désintéressement chez certaines femmes face aux grandes et moyennes entreprises, figurerait la peur, selon Ornella Ouimana, fabricante des chaises sans dossier à partir des pneus hors d'usage. Cette femme affirme qu'il est possible de vaincre la peur et puis montrer ce dont on est capable. Quant à Ginette Kalire Kinyana, une des cadres au sein de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi, en même temps directrice de l'entreprise baptisée Kalire Product, le manque du capital est suffisant et le fait que certaines femmes ne cherchent qu'à couvrir leurs besoins quotidiens sont parmi les principales causes du désintéressement chez la femme face aux moyennes et grandes entreprises. Pour que les femmes apparaissent en suffisance sur la scène industrielle, Ginette Kalire Kinyana propose aux femmes d'avoir confiance en elles et en leurs capacités et au gouvernement de faire son mieux pour que la femme atteigne un certain niveau dans le développement. C'est au moment où les femmes qui dirigent les entreprises sont à 18% au niveau national, selon l'Agence de promotion de l'investissement au Burundi. Vestine Boutoy, page commerce à présent. Les activités commerciales ont immédiatement commencé ce vendredi au marché de Kanyosha, comme l'avait recommandé le maire de la ville de Bujumbura. Cela étant, les stands ne pourront suffire vu la forte demande, comme le confirme le président de l'association des commerçants. Il ajoute que cette situation pourrait être empirée par les commerçants provenant du marché de Gissio récemment fermé. Le point avec Evariste Nzikobanyanga qui s'est rendu sur les lieux. Nous sommes au marché de Kanyosha, en commune urbaine de Muha, qui a rouvert ses portes dès ce vendredi, même si les travaux de construction des stands n'ont pas encore touché à sa fin. Le président de l'association des commerçants de Kanyosha, Gadi Minani, se dit satisfait de l'état d'avancement des préparatifs, même si les activités commerciales ont commencé très timidement. À l'extérieur de ce marché, une foule nombreuse assise se faisait remarquer. Ce vendredi, il s'agissait des anciens commerçants du marché de Gissio, récemment fermé sur ordre du maire de la ville de Bujumbura. Mais ceux qui se sont exprimés sur les micros de la radio Isanganiro disent qu'ils ne savent à quel sens se vouer. Le constat étant qu'ils ne pourront pas avoir des stands dans ce marché vu la forte demande, ont-ils ajouté. Même son de cloche avec le président de l'association des commerçants, Gadi Minani, appelle les commerçants qui ne seront pas servis d'aller fréquenter les marchés de Ruziba, Kinindo et Musaga qui possèdent toujours des stand inoccupé. On n'a pas pu trouver le commissaire du marché de Kanyosha pour qu'il puisse donner lumière aux préoccupations de ses commerçants car son bureau était fermé. Merci Évariste Nzikobanyanga. Page santé à présent. Certains parmi les habitants de la commune Matana en province de Bururi tirent la sonnette d'alarme pour une urgente disponibilité des vaccins antirabiques. C'est après avoir appris qu'ils ont consommé la viande d'import tuée par un animal sauvage errant. Et seulement une vingtaine parmi eux a pu bénéficier de ce vaccin à Matana ce mercredi. Le médecin provincial de Bururi informe que d'autres doses de ce vaccin sont commandées à Bujumbura. Il appelle à une synergie en faveur de la santé de la population. Jean-Pierre Misago. Des habitants de certaines sous-collines de collines Gisarenda et Boutoué de la commune Matana qui ont acheté de la viande de porc à Rudende ce dimanche sont ceux-là qui disent craindre pour leur santé. C'est après avoir pris connaissance que le dit porc avait été tué par un animal sauvage errant rapportée ces derniers jours dans cette localité comme une menace aux animaux domestiques et que ce porc était vendu sans examen préalable du vétérinaire communal, selon certains des habitants de ces collines contactées. Ces sources indiquent que le vétérinaire communal a suggéré l'administration d'un vaccin antirabique à tous ceux-là qui ont consommé la viande de ce porc. Mais seulement une vingtaine de personnes a reçu ce vaccin ce mercredi à l'hôpital public de Matana. Docteur Vénérant Nyambikiye, médecin responsable de la province sanitaire de Bururi, reconnaît la rupture de stock de ce vaccin à Matana dès ce mercredi, mais informe que d'autres doses ont été commandées à partir de Bujumbura et sont attendues à Matana ce vendredi. Le seul problème qui reste selon lui est la connaissance de l'effectif exact de ceux-là qui ont consommé cette viande. Ce médecin appelle tous les intervenants dans le domaine de la santé de conjuguer leurs efforts en faveur de la santé de la population et appliquer la loi à ceux-là qui vendent de la viande dans la clandestinité. Dieudonné Nkunzimana, administrateur communal de Matana, dit qu'une réunion est prévue à Rudende pour retracer tout le circuit dans cette vente de ce porc et établir les responsabilités. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Jean-Pierre Misago, nous disons merci. L'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté est-africaine constitue un atout pour cette communauté. C'est l'analyse du journaliste Elinibere Niligira qui montre qu'elle permettra à la communauté est-africaine de s'étendre jusqu'à l'océan Atlantique. Selon lui, ce pays, ensemble avec le Burundi, feront que la langue française puisse occuper une place considérable. Cependant, ce journaliste estime que la situation sécuritaire au sein de cette communauté doit prioritairement attirer l'attention des pays de l'EAC afin d'atteindre le développement effectif au niveau politique et économique. Suivez. La RDC est un pays très vaste. C'est le 11e pays le plus peuplé aussi, de 84 millions en 2018, avec plus de 185 millions de la population est-africaine. Vous comprenez que c'est une population qui n'est pas négligeable. Comparativement à ces pays comme le Burundi, qui a plus de 11 millions d'habitants, Sud-Soudan avec plus de 10 millions d'habitants. Il faut aussi noter le PIB par habitant en République démocratique du Congo, c'est plus de 560 $ américains contre moins de 300 $ américains de PIB par habitant au Burundi. L'autre pays qu'il ne faut pas négliger, c'est le Sud-Soudan, qui a un PIB par habitant de plus de 700 $ américains. La population congolaise et burundaise, donc, font au total 95 millions d'habitants, soit plus de la moitié de toute la population est-africaine. Donc, les deux pays pourront s'imposer, imposer leur langue officielle, qui est le français, absent dans d'autres langues officielles des autres pays. Il faut aussi noter que la République démocratique du Congo est désenclavée, contrairement aux autres pays. Avec la République démocratique du Congo, l'EAC pourra, par exemple, avoir accès à l'océan Atlantique, une zone qui est riche en échanges commerciaux. Mais la République démocratique du Congo apporte aussi des défis que l'EAC pourra l'aider à résoudre. D'abord, c'est cet aspect sécuritaire. C'est un pays où pullulent plusieurs groupes armés qui se compte aujourd'hui à une centaine. La situation sécuritaire reste vraiment un défi dans les pays de la communauté est-africaine. Quand je parle de sécurité, il faut aussi rappeler que la Somalie, qui connaît des groupes terroristes, a demandé aussi l'adhésion à l'EAC. La RDC a aussi besoin d'une exploitation minière de façon industrielle. Son sol est riche en cuivre et en or, et cela au profit de l'EAC. Il y a aussi ces mésententes et des accords répétitifs entre certains pays membres de l'EAC et ça bloque vraiment le développement politique et économique au sein de cette communauté. Bref, la République démocratique du Congo apporte plus d'atouts à l'EAC que des défis. C'était l'analyse de notre confrère Elinibele Niligira sur l'importance de l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté est-africaine. Le 21e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu samedi de la semaine passée a tenu la promesse d'intégrer la République démocratique du Congo dans l'EAC, ce qui sera conclu lors du prochain 22e sommet. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Armel Mutolo au micro en compagnie de Toussaint Mitebouté à la cabine technique. Vous souhaitons de passer une excellente journée. Au revoir.